France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah, ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 115. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 6 avril 2008, 11h06, bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es m'as-tu vu et tape à l'œil. Tu es Tartarin de Tarascon, tu es Fanfaron à Saint-Tropez ou Hilton à Paris, tu es Diamant sur Canapé, tu es Fosséa ou Paloma, et tu es aussi... Bah c'est bon Carla, hein, appelle Lagardère, je veux son yacht pour le week-end. Je suis plus du tout le même. C'est parce que j'ai changé, j'ai pris du recul. Maintenant, quand je veux un yacht, j'appelle plus Bolloré, j'appelle Lagardère. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu es bling bling, tu es un gros frimeur. Alors, il y a quelques années, on nous proposait de travailler moins, enfin 35 heures par semaine, pour avoir un peu plus de temps libre afin de s'amuser avec ses mômes, d'aller ramasser des champignons en forêt ou de relire La Recherche du Temps Perdu. Mais il y a un an, les Français ont majoritairement fait le choix du travailler plus pour gagner plus. Mais bon, visiblement, la flambe, ce n'est pas pour tout de suite. C'est pourquoi ce matin, afin de te faire un peu rêver, la panique au Mangin Palace va t'offrir 53 minutes de luxe, de faste et de pacotille. Et pour commencer notre immersion dans le clinquant des ziggourates sumériennes aux fêtes impériales, nous allons survoler les relations étroites qu'entretiennent fastes et pouvoirs. Ensuite, durant quelques minutes, grâce au cardinal Mazarin, nous allons tenter de t'offrir quelques combines afin de reconnaître le nouveau riche. Et dans la foulée, grâce à Jean de La Fontaine, nous découvrirons comment piéger le parvenu. Et puis, nous te dévoilerons les coulisses du voyage officiel de notre couple présidentiel en Angleterre. Nous constaterons qu'en effet, Monsieur Bling Bling a bien changé. Et enfin, nous prendrons la direction de Grosboul-les-Bains où cette semaine, Monique et Jean-Claude ont rivalisé devant Tardise dans une lutte orgueilleuse pour ou contre le boycott des JO de Pékin. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et fais de l'épate à la carbonara. I'm your boogeyman. We'll be right back. Your Boogeyman. C'est ce que chantait Casey and the Sunshine Band en 1977, l'année même où fut couronné en Centrafrique l'empereur mégalo Bokassa, toujours friand de distribuer des plaquettes de diamants à ses nombreux amis de passage. S'il y avait des circonstances difficiles ou s'il y avait des problèmes graves qui se posent à notre pays, vous pourrez toujours compter sur moi. Alors ce matin, une fois de plus, la panique au Mangin Palace est en totale harmonie avec notre gouvernement, puisque nous n'allons pas parler de rigueur, ou le vilain mot, mais plutôt d'éclat, de magnificence et de bling-bling. Et pour commencer cette émission consacrée aux frimeurs, nous allons, durant quelques minutes, nous intéresser aux relations étroites et complexes qu'entretiennent le faste et le pouvoir, et cela depuis... Je veux de l'or, du faste, j'en veux toujours plus. C'est une constante dans l'histoire. Ainsi, les premières dynasties mésopotamiennes ont voulu exposer leur pouvoir avec splendeur. Et elles ont construit de gigantesques ziggourats. D'ailleurs, le célèbre mythe de la tour de Babel est symptomatique du toujours plus, au point d'en irriter les dieux. Ainsi, le faste et le pouvoir sont intimement liés, car à toutes les époques, le souverain aime à se représenter avec éclat, dans le but, bien entendu, d'épater les glandus. Bah, il faut que ce soit précieux, mais pas trop quand même, mais que ça ait l'air précieux. C'est chaud, non? Bah, il faut que ça épate les autres glandus, il m'a dit. Mais c'est qui les autres glandus? Pour le coup, là, c'est les burgondes. Il paraît qu'ils sont très, très glandus. Mais qu'est-ce qui épate les glandus? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qui épate les glandus? Bah, comment on fait pour savoir? Parce que c'est encore un coup à se planter, ça. Non, il y a une technique. Pour savoir ce qui épate les glandus, il faut prendre l'inverse de ce qui nous épate, nous. Comment ça? Bah vous, par exemple, qu'est-ce qui vous épate? Les trucs précieux avec de l'or, les pierres et tout, enfin, quand ça brille, quoi. Voilà, c'est comme moi. Mais nous, c'est parce qu'on fait partie du haut du paquet, comme on dit. Nous, on sait ce que c'est, l'or, les rubis. Les burgondes, c'est des bouseux, faut se mettre à leur place. Ça leur plaît pas, l'or et les rubis? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils en foutent? Oui, bon, c'est un peu confus, tout ça. Pourtant, très tôt, une économie du faste se met en place. L'accumulation de métaux, de pierres précieuses, d'étoffes et d'épices, le tout accompagné d'une domesticité imposante dans des palais somptueux, donne du prestige au souverain. Et oui, être roi c'est bien, mais exposer sa majesté dans le faste, c'est mieux. Cela dit, il ne faut surtout pas imaginer que cet étalage de faste soit pour le simple plaisir du souverain, non. Au contraire même, si le roi accepte de vivre dans l'apparat, c'est surtout dans une démarche de distinction, comme te l'expliquait le regretté Pierre Bourdieu. Consommation ostentatoire, ce sont des consommations qui sont en quelque sorte à elles-mêmes leur fin. C'est-à-dire je ne consomme pas du caviar pour le goût du caviar, ou en tout cas pas seulement, je le consomme pour être vu mangeant du caviar, pour qu'on puisse dire que je mange du caviar, ou pour pouvoir dire que je mange du caviar. Bon. Et beaucoup de choses, alors évidemment un certain nombre de consommations comme l'achat d'automobiles de luxe, comme l'achat de vêtements de luxe, ou alors là c'est de la consommation ostentatoire par excellence, c'est la femme bon, pour les hommes, c'est-à-dire c'est la femme qui est... par sa beauté et par tous les signes de beauté et de richesse qu'elle peut porter. La femme est une sorte de sémaphore bon, qui porte des signes de distinction. Alors, c'est un instrument d'ostentation. Eh oui, la femme couverte de bijoux et de robes ostentatoires, c'est sans doute l'élément de distinction majeur pour le bourgeois du 19e siècle engoncé dans son hypocrite redingote noire. Alors voilà, c'est une évidence, le faste est intimement lié au pouvoir. Quelques remarques cependant. Parfois, le faste dépasse le simple désir de représenter le souverain dans sa position la plus impressionnante. Ainsi, quand en 1783, Louis XVI nomme Calonne contrôleur général des finances, les caisses de l'État sont complètement vides. Necker avait bien proposé au roi de réduire les dépenses, mais Calonne avait un projet bien plus machiavélique. Pour que les banquiers prêtent à nouveau de l'argent au roi, le plus simple était d'organiser de somptueuses fêtes et d'augmenter les dépenses, quitte à creuser le déficit. Et oui, paraître opulent, ça donne confiance aux banques, puisque c'est bien connu, on ne prête qu'aux riches. Et il avait tout compris, Calonne. Donnez-lui n'importe quel nom, de l'auberge, du pèse, du pognon, si vous voulez, même encore moins académique, du fric. Allez dire à qui vous voudrez que les braves gens sont considérés et que la richesse est moins précieuse que la vertu, penses-tu? Écoutez les littérateurs dire que l'argent ne fait pas le bonheur et les poètes chanter joyeux qu'ils sont heureux, les gueux. Ça ne fait pas mal sur la musique, mais le vieux clochard famélique, le mistouflard exaspéré qui voit les autres démarrer, doit se dire tout de même en v'la marée, faudrait pas chérer dans le mastic, nom d'un chien, ce que ça doit être chic, d'avoir du fric. Et parfois, le souverain fait état avec éclat de son fric dans un intérêt hautement politique. Ce fut le cas sous le Second Empire, avec l'empereur Napoléon III qui a su au mieux utiliser le faste. La dernière cour officielle, bien sûr, que la France ait connue, a ébloui par son éclat. Et dans quel but? Ben... Pour empêcher de penser, on avait pensé qu'il fallait étourdir. Pour empêcher de voir, on avait pensé qu'il fallait éblouir. Et toute la politique allait être de créer du faste pour grandir le prestige, amuser la foule pour qu'elle ne songe pas à demander des comptes. Voilà toute l'histoire des beaux jours de l'Empire. Et l'impératrice avait le goût du faste. Elle aimait par goût le scintillement des lumières, l'agitation des foules. Et elle instaura un luxe incroyable, aimant à mêler les toilettes éblouissantes aux chamarrures des plus beaux uniformes. Et c'est dans les bals de la cour, surtout, que l'on vit s'étaler le plus grand luxe et la plus grande abondance. Ces soirs-là, les Tuileries étincelaient et flamboyaient jusqu'à la toiture. Oui, enfin, ce n'est pas sous le Second Empire que les Tuileries ont le plus flambé, mais plutôt sous la Commune, en 1871. Le faste est donc pour certains un instrument destiné à produire de la légitimité. Mais une dernière remarque tout de même. Parfois, l'absence de faste est tout autant nécessaire pour s'imposer que l'excès de faste. Certains ont rejeté l'apparat, comme par exemple Louis XI ou encore... Je ne sais pas moi, mais le modeste Édouard Balladur. Et puis, certaines idéologies rejettent le faste du pouvoir, mais bon, là aussi, jusqu'à un certain point, hein. C'est qui? C'est Olivier. Salut Arlette. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je fais mes cartons, je me tire. Mais non Arlette, abandonne pas le combat. Je me tire. Quoi? Mais tu vas où? Ma villa à Saint-Tropez. Je vais me faire dorer la pilule dans le sud. T'as une villa à Saint-Trope? Ben attends, ça fait 50 ans que je vis comme une pauvre. T'imagines pas tout le fric que j'ai mis de côté? Arlette, tombe pas dans le piège. C'est des nantis. Nous, on est du côté des travailleurs, des pauvres. Ah ouais? Ben les pauvres, ils nous font chier. Ils font que de se plaindre. Soi-disant qu'ils sont des millions en France, en attendant, ça fait 40 ans que je fais des scores minables aux élections, moi. Arlette, calme-toi. Non, j'en peux plus de m'habiller comme un sac et de bouffer des raviolis en boîte. Moi aussi, je veux vivre comme Britney Spears. Ah, vivre comme Britney Spears, le rêve de tout un chacun. Alors, après ces quelques réflexions sur le faste et le pouvoir, il semble maintenant certain qu'en foutre plein la vue, ben, parfois ça aide à devenir le chef. Mais attention, hein, pas besoin de perlouse, sinon ça fait nervie. Je ne porte pas de perlouse, je ne suis pas un nervi, je trouve que ça fait tartouze. Et c'est pourquoi moi je vous le dis, j'ai l'air de ne pas avoir l'air, mais avec mon air je fais la pige à bébé. Je suis un dur, un vrai, un tatoué, je fais pas des manias, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer, j'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles, il en faut pour que je m'emballe, j'ai discuté. Car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique, et voilà tout le portrait d'un tatoué d'un dur d'un vrai. Quand je joue à la belote, au petit bistrot du coin. Faut pas m'en mettre plein les bottes, car aussitôt je fais du foin. De quoi ? Il n'y a pas de pourquoi. Les autres restent quoi ? Alors je dis narquois. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des manies, qu'est-ce qu'on y gagne ? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe. J'ai discuté, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué d'un dur pour un vrai. Un dur, un vrai, un tatoué. C'est l'autoportrait crâneur de Fernandel en 1938. Eh oui, le rappeur ricain 50 Cent, le king du bling-bling, n'a donc rien inventé puisqu'il s'est tout simplement inspiré du célèbre bad boy marseillais. Ah non, tout ça c'est de la bouffonnerie. Eh bien, l'horloge Rolex du Mansion Palace nous indique qu'il est à présent 11h22 et après avoir constaté combien le pouvoir politique fait bon ménage avec le faste, il est temps désormais d'essayer, durant quelques minutes, de dresser la liste des attributs de la panoplie du parfait nouveau riche. Oui mon ami, à quoi reconnais-tu le parvenu ? Dans son Bréviaire des politiciens, publié en 1684, le cardinal Mazarin écrit ceci : Tu reconnaîtras la vertu et la piété d'un homme à l'harmonie de sa vie, à son absence d'ambition et à son désintérêt pour les honneurs. Quant aux nouveaux riches, nés dans le ruisseau, c'est à leur obsession pour les beaux atours et les festins raffinés que tu les reconnaîtras. L'expérience de la misère pousse le parvenu à convoiter les satisfactions matérielles beaucoup plus que les honneurs. Et le cardinal Mazarin ajoute ceci, c'est à leur goût pour le clinquant qu'on démasque les gens incultes. Oui, l'idiotie du nouveau riche ne peut s'accorder avec l'élégance de la discrétion. Sa fortune, pense-t-il, doit être éclatante aux yeux du monde, sinon elle n'existe pas. Son obsession consiste à acquérir tous les biens matériels dont il ne croyait jamais pouvoir jouir un jour. Avec sa thune, le parvenu est persuadé qu'il peut s'affranchir de toutes les contraintes. Il est libre puisqu'il appartient désormais, selon lui, au cercle des puissants. Tu vas pas me croire, on était en train de répéter un... Bon, ok, j'ai une maîtresse et alors... Bon, je suis une pendule, hein. Tous les grands de ce monde ont une maîtresse. Hein ? Bill Clinton, une maîtresse. Mick Jagger, une maîtresse. Napoléon, maîtresse. Pauvre con. Oh, c'est mesquin ce que t'es en train de dire. Mais qu'est-ce que t'espérais ? Une petite vie étriquée avec un mari sans maîtresse ? Tu mérites mieux que ça, mon ange. Hélas, malgré son oseille, le nouveau riche n'est jamais à l'abri d'une grosse clacasse dans sa face. Par ailleurs, toujours selon le cardinal Mazarin, les nouveaux riches se contredisent régulièrement. Par exemple, souvent, ils aiment à nous faire gober qu'ils sont hyperactifs. Ouais, enfin, méfie-toi quand même. J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler. J'aime bien travailler, mais j'aime bien dormir aussi. Ce que je préfère, c'est quand je travaille au lit. J'aime bien travailler, mais le week-end, je me la coule douce. Sirotant ses mains délicieux, merguez et couscous. J'aime bien travailler, est-ce que t'aimes bien travailler ? J'aime énormément l'argent, c'est pourquoi j'aime bien travailler. Mais alors, que font les nouveaux riches lorsqu'ils ne travaillent pas ? Eh bien, leurs activités sont nombreuses et variées. Ils organisent de somptueuses et coûteuses réceptions place Vendôme, par exemple, où ils gardent des sceaux à Champagne, comme l'écrivait cette semaine le Canard Enchaîné. De la même manière, régulièrement, ces mêmes parvenus de la place Vendôme se retrouvent au carrousel du Louvre. Abondance de tissus chamarrés, débauche de couleurs éblouissantes, les nouvelles collections nous ont une nouvelle fois conquis. Mais celle qui, sans conteste, nous a le plus éblouis, c'est l'époustouflante démonstration de Gianmarco Tanterini. Heureux, maestro ? Je crois que la mode ne doit pas être enfermée dans les carcans du parisianisme. Avant tout, la mode, c'est quelque chose qui est très populaire, je crois. C'est vrai que je suis issu d'une famille très, très simple, très populaire, en fait, et Je me souviens que mon père, il était ouvrier, qu'il allait travailler. Moi, je veux que l'ouvrier, aujourd'hui, qu'il n'a pas d'argent, qu'il gagne à peine, je sais pas, 60 000 francs par mois, qu'il puisse acheter une tenue pour aller travailler avec la dignité de l'ouvrier. Très digne. J'ai voulu ça, quoi. Qu'il puisse au moins s'acheter un smock avec le SMIC. Oui. Le parvenu se caractérise aussi par sa perte du sens commun face aux réalités du quotidien. À force d'accumuler les richesses, le nouveau riche s'égare parfois dans la démesure. Et malheureusement, là encore, bien souvent, chez lui, la connerie prend le pas sur la galanterie. Je vais te dire un truc qui va te faire plaisir, toi. Ouais. Tu vois, je me suis niqué plus de 80 gonzesses depuis le début de la saison. Et ben, sans te flatter, j'ai l'impression que tu vas être dans les 10-15 premières, toi. Ça va pas, non? Il est impeccable, il est de ce matin. Non. Oh non, c'est pas ça, c'est la forme. Tu vois, ça casse un peu le personnage. Eh bah t'inquiète pas, ma chérie. Ça casse pas ce qu'il y a dedans. Je suis un machistador. Je crois qu'elle m'adore. Macho, machistador, macho, macho. Outre la prédation sexuelle, le parvenu est également sans cesse à la recherche d'expériences nouvelles. Et oui, comme il s'ennuie, pépère, avec toute sa thune-là. Faut bien qu'il trouve d'autres sources d'excitation dans la pure ligne de Maurice Chevalier, par exemple. Une des premières femmes que j'ai aimées, qui était à ce moment-là excessivement attrayante, mais qui était aussi assez perverse, puisqu'elle m'avait appris d'abord à prendre de l'éther, c'est-à-dire à se mettre et à partir dans les nuages avec l'éther. J'ai d'abord fait ça, et après, alors, ce qui a été plus grave, elle m'a appris à prendre de la cocaïne aussi. De la cocaïne, vous savez, dans le nez, comme ça, et c'était tellement extraordinaire que je me disais, quoi, ça peut pas faire beaucoup de mal, ça. Et en même temps, on se sent tellement bien, on se sent tellement intelligent, on se sent tellement d'accord avec tout, n'est-ce pas ? On se sent supérieur, presque. Oui, les paradis artificiels, tels sont les demeures du parvenu. Résultat, bien souvent, ils affabulent. D'ailleurs, toujours selon les redoutables réflexions du cardinal Mazarin, méfie-toi du nouveau riche, car il a la promesse facile, mais en général, c'est un menteur. Au fait, vous me faire, elle a pas apprécié que je raconte partout que je l'avais pécho. En fait, ce qui l'a saoulé, c'est qu'elle arrêtait pas de croiser des mecs de cité qui lui posaient toujours la même question quand il la voyait. Hé, hey, Ophélie Winter, à ce qu'il paraît, tu t'es pécho Jamel Debbouze. Hein, y a moyen avec nous, alors. Vas-y, fais pas ta radine. Fais tourner un 1, qu'est-ce qu'il y a? Un seul 1, qu'est-ce que t'en as à foutre? T'en as deux, c'est bon, non? Mais ça veut pas dire que t'es une pute. Ça veut dire que t'es gentil, bien sûr. Je comprends que ça l'a énervé. D'ailleurs, je m'excuse, mais c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, pour moi, c'était super important que tout le monde sache que j'avais pêché au Ophélie Winter. Maintenant, ce qui m'importe, c'est qu'elle, elle sache. Alors maintenant, afin de nous faire plaisir, nous allons apprendre comment piéger le parvenu. Eh bien, restons au XVIIe siècle et passons de la littérature du cardinal Mazarin aux fables de Jean de La Fontaine par l'intermédiaire de Louis de Funès, qui va nous rappeler que le nouveau riche ne résiste jamais à la flatterie. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hé, hey, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Ah, à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Oh, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Minutes. C'est le dernier chrono de l'excentrique Madonna, devenue spécialiste de l'art ostentatoire et qui n'a d'égal dans le monde animal que le paon, qui lui ne chante pas mais crie prétentieusement Léon, alors que la modeste fourmi gronde. Alors maintenant, afin de prolonger notre escapade dans l'univers de la magnificence clinquante, il est temps désormais à 11h33 de te raconter les coulisses du fabuleux séjour britannique de notre joyeux couple présidentiel. En effet, le 26 mars dernier, comme chacun sait, Nico et Carla ont été reçus officiellement par Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Et dans leur avion qui survolait la Manche en direction de Windsor, identique aux photos que nous avons découvertes cette semaine dans Paris Match, nouvelle gazette décontractée de l'Élysée, eh bien, assis aux côtés de Carla, Nicolas Sarkozy était euphorique. Dans ce 707 qui survole la mer, tout de le nez collé au même hublot, on regarde passer les gros nuages. Nos deux alliances nous gênent les doigts, on a l'air con comme ces couples bourgeois des prospectus des agences de voyage. Mais ce qui est pire que tout, c'est que je suis heureux comme un fou, oui, heureux, je suis maso, mon amour, je suis ton otage. Salut pollution, salut les grands patrons avec tous leurs sondages d'opinion. Salut les camions, les autoroutes à bouchons. Salut les élections, salut les débats à la télévision. Salut mes chansons, salut le téléphone qui sonne. De toute façon, il y aura personne à la maison. Oui, depuis peu, notre président a changé. Il a pris de la hauteur, autrement dit, de la distance avec les problèmes. Pour l'heure, il s'agit de profiter des fastes de la cour d'Angleterre. Le reste, on verra plus tard. Et dès son arrivée à Windsor, mercredi midi, nous avons constaté en effet que M. Sarkozy avait changé de style. Si vous appréciez l'élégance, vous apprécierez la nouvelle eau de toilette pour hommes de Bardley, English Blazer. English Blazer, ce n'est pas seulement l'élégance pure. Qu'est-ce que j'ai fait de ma gueule, putain ? Grâce à laquelle je peux retirer jusqu'à 8000 francs toutes les deux heures. C'est aussi un style, particulièrement tonique. Bah alors bébé, t'as pas vu l'heure ? Comment j'ai pas vu l'heure ? Le temps est la relance, allez, va, vite. Quoi ? Ça va, non ? English Blazer, l'école de la tradition. C'est la méga classe ! C'est la méga classe. Oui, Nicolas Sarkozy a changé. Enfin, devant la reine, il s'est très bien tenu, accompagné d'une Carla très chic qu'on a comparée à Jackie Kennedy. D'ailleurs, après avoir fait un tour de calèche intérieur cuir avec Elisabeth II, M. Sarkozy, il était très fier de sa femme. Mais là encore, attention, sobriété. Vous avez vu ma femme tellement qu'elle est belle en Angleterre, tellement qu'elle est mannequin ? Oui, super. Mais les déficits qui sont à 2,7% au lieu des 2,4 promis, vous n'avez pas chaud ? Non. Si, si, vous avez chaud. Carla ? Déshabillez-moi. Oh non. Et la température, elle m'en parle, peut-être ? Non, mais les chiffres, monsieur Sarkozy. Les chiffres ? 1m76, 53 kilos et 36 en taille. Une taille de guêpe tellement qu'elle est mannequin, tellement qu'elle est belle, tellement c'est ma femme. Vous avez chaud ? Ok. Alors là, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les images, faut savoir que Carla Sarkozy se trouve alors derrière son mari et ôte son manteau à sa demande, puisqu'il fait chaud, et se retrouve bras nus devant une foule qui siffle « C'est la méga classe !» Oui, Nicolas a changé, c'est un nouvel homme beaucoup plus réservé, beaucoup moins tape à l'œil. C'est alors que pour gratifier Carla de son élégance, Nico a décidé de faire un détour par une boutique de luxe. Croyez-vous qu'on puisse graver cette bague ? Vous ne trouvez pas qu'elle en vaudrait la peine ? Ceci, j'en ai l'impression, n'a pas été acheté chez Tiffany. Non, je crois, si je ne m'abuse, qu'elle se trouvait... Attendez donc, je l'ai trouvée dans une pochette surprise. Je vois. Alors ils mettent toujours ce genre de primes dans leur pochette surprise. Oui. C'est rassurant. Ça révèle chez eux un sentiment de solidarité. Et presque de continuité avec le passé et la tradition. Vous croyez que Tiffany pourrait faire ce travail de gravure ? J'ai peur que ce soit indigne d'une maison comme la vôtre dont la renommée est universelle. Oui, en effet, c'est inhabituel, madame. Mais je crois que vous trouverez chez Tiffany beaucoup de compréhension. Si vous voulez bien m'indiquer vos initiales, je ferai le nécessaire pour que ce petit travail soit prêt demain. Les initiales ? Eh ben, CS, comme Cécilia. La même bague d'ailleurs qu'il avait déjà offerte à sa deuxième épouse. C'est la méga classe. Et puis, nos deux tourtereaux se sont séparés quelques heures avant le dîner officiel, puisque M. Sarkozy devait rencontrer quelques leaders politiques britanniques. Mais Nico et Carla se sont très vite retrouvés dans leur chambre du château de Windsor afin de se préparer. Salut chérie ! Waouh ! J'ai une surprise pour toi. Quoi ? T'as pensé à ma veste en peau de serpent ? Merci mon lapin. Je t'ai jamais dit que cette veste, elle symbolise ma personnalité et ma passion pour la liberté. Oui, à peu près 50 000 fois. Certes, George Bush a bien déclaré que Sarkozy était la réincarnation d'Elvis Presley. Arrête de rire. Sauf que là, le chef du protocole britannique est intervenu, car une veste en peau de serpent, ok, c'est la méga classe, mais impossible de porter ce truc devant la reine d'Angleterre. Fuck, aurait alors déclaré Carla, ce qui n'a pas plu à Nicolas. Tu sais que ça te va mal de dire des mots vulgaires ? Ça me va mal. Écoute, trou du cul, putain, merde, nom de Dieu, piège à con, saloperie, bordel. Alors, tu trouves que ça me va toujours mal ? Eh oui, quand on appartient à l'authentique haute bourgeoisie italienne comme Carla, dire des gros mots, c'est la méga classe. Et ça, il en est très jaloux, Nico. Mais bon, toujours est-il que notre élégant couple présidentiel s'est donc rendu à ce dîner officiel. Nicolas Sarkozy était assis entre la reine et Camilla, également à proximité d'un vieux lord anglais francophone qui avait son point de vue sur notre beau pays. C'est bien la preuve que la France aurait mieux de s'occuper de ses propres misères, au lieu d'aller jouer les bons samaritains à l'étranger. C'est sûr qu'au lieu d'envoyer du monde sur la Lune... En France, aujourd'hui, tout va à volo. On favorise les bons à rien, les parasites. J'ai pas raison. Mais si. Votre Colin, avec ou sans patate ? Sans patate ? Non, sans rien du tout, pomme de terre. Oui, quand Nicolas entend sans patate, on frôle l'incident diplomatique. Alors pour noyer le poisson, devant cette débauche de face et de luxe, M. Sarkozy aurait réellement chuchoté à l'oreille de la reine « It is magnificol ». Problème, c'est un mot qui n'existe pas en anglais. Donc un peu paumé, Elisabeth II a dû faire venir Fissa un interprète. Ça aussi, c'est la méga classe. À l'opposé de Nicolas, dînait Carla, entourée, elle, du prince Philippe et du prince Charles. Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légumes, moitié mec. Après les présentations avec le prince Charles, donc, prototype de l'anti-bling-bling, la conversation allait bon train entre les hommes de la cour d'Angleterre et la nouvelle première dame de France. C'est alors que le prince Charles questionna Carla sur ses activités artistiques. je chante. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour moi. Si je chante, devinez pourquoi. C'est pas pour la reine, c'est pas pour le roi. C'est pour le fric, pour le pognon, c'est pour les sous, c'est pour les ronds. Jesus, le prince Philippe fut choqué par une telle aisance so new rich. Mais bon, c'est l'influence de Nico, ça aussi. D'ailleurs, Carla a dû avouer au prince d'Édimbourg que son nouveau mari a de l'ambition. Quand il veut quelque chose, c'est gagné, faut dire ce qui est, rien ne lui résiste. Il a parié que dans un an, il serait au moins millionnaire. Maintenant, il gagne tellement d'argent qu'il ne sait même plus quoi en faire. Jesus, la fin du dîner fut sacrément guindée. Mais bon, la suite du voyage fut tout de même merveilleuse. Enfin, de retour à Paris, Nico a tout de même avoué à Carla que le protocole anglais, là, c'est un peu kitsch, non ? Ok, il y a de la thune, du vin à 6000 la bouteille, la reine est truffée de diams. Franchement, c'est la méga classe. Mais bon, savent pas s'amuser non plus. Alors qu'avec la nouvelle secrétaire d'État à la famille, par exemple, Nadine Moreno, c'est la grosse déconne et c'est la classe. Conclusion de ce voyage officiel, oui, Monsieur Sarkozy a bien changé. Les projets tels que le revenu de solidarité active, la loi pénitentiaire et la loi sur le logement, tout ça, c'est loin, c'était l'an passé, quoi. C'était le temps d'une autre année, le temps des néons allumés. C'était le temps d'une autre année, le temps des néons allumés, le temps des témoins des colombes, le temps de la vitesse et de l'ombre. Jetés au feu, le temps où on était heureux. C'était le temps des bords de mer, le temps des 15 pour des prévères. Je revois tes cheveux défaits dans la chambre d'hôtel, tu jouais. Et moi sur la banquette arrière, je voyais le monde à l'envers. Chanson de Prévert continue sa route à l'envers. Je ne suis pas chrétien, mais de tout je me souviens. Que vive le vent de l'hiver, tout retourne à la terre. Les loups sont à ma porte, un dernier coup d'œil en arrière dans le rétroviseur. Le vent de l'hiver, c'est ce que fredonne Raphaël sur son dernier album intitulé « Je sais que la terre est plate, prétentieuse. » Tandis que le flambeur, lui, ce qu'il attend de plus, ce n'est pas le vent de l'hiver, mais l'ouragan de tapis rouge. De trois, rouge, impair et mort. De trois, de trois. Alors maintenant, pour poursuivre notre modeste exploration de l'univers des vantards et des frimeurs, il est grand temps, à 11h44, de retrouver Jean-Claude Le Farreau et Monique la Bravache, qui, cette semaine, ont fait s'affronter leur orgueil démesuré. Tout a commencé mercredi dernier quand Jérémy, un jeune athlète de Grosboul-les-Bains, s'est précipité vers Jean-Claude pour lui expliquer son problème. Jérémy, il est super fort en bilboquet et il ne comprend pas pourquoi cette discipline n'est pas représentée aux Jeux Olympiques. Jérémy, il trouve ça trop injuste et il se dit presque prêt à défendre la France aux JO. 1m73, 62 kilos, une taille de guêpe, pas retenue pour les JO, musclé très peu. Très preux, cherche le moyen de représenter quelque chose de beau à vos yeux. Une seule idée en tête, laissez pousser mon corps, que mon tatouage Popeye et le bras qui le porte soient en accord pour que les filles dans la rue me dévorent encore. Une dernière série, un dernier effort, j'ai beau me muscler, non, j'ai beau m'afficher, le résultat reste le même, pas moyen de m'exhiber en caleçon. À ce point-là, c'est à base de crise de fou rire pour la journée à la maison. Quand il entend ce témoignage bouleversant, l'orgueil patriotique du Jean-Claude est piqué au vif. C'est décidé, il va tout tenter pour attirer l'attention du Comité international olympique sur le cas des champions de bilboquet exclus des JO. Jean-Claude, il veut s'investir dans de grandes causes humanitaires. Et comme il n'a peur de rien, il décide d'organiser une fête incroyable pour ces messieurs du CIO. Jérémy pense que Jean-Claude a tout prévu, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Non, Jérémy, non. Non, d'abord parce que je n'ai toujours pas trouvé le thème de ma prochaine fête annuelle. J'ai trop d'idées. Mais une chose est sûre, c'est que je veux Danny Tenaglia. Pourquoi ? Mais c'est le meilleur DJ au monde, Jérémy. Tu sors plus ? Écoute, pour la Nicky Night de Miami, tu leur diras que je ne viens pas si je n'ai pas 25% d'avance en cash et un Falcon. Écoute, pour les modalités, je te laisse avec Pilar. Voilà, je t'embrasse. Adios, querido, amor, besos, ciao. Oh, le gros crâneur, se dit Jérémy. Jamais Jean-Claude ne réussira à organiser une telle fête. Mais Jean-Claude lui explique, sans frimer, que des fêtes, il en a organisé des bien plus belles que celles d'Eddie Barclay. Je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle à notre fois quand cul roulait autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des buloni. Dès qu'il passait, caméo, Midnight Star. SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Ah, merci à toutes et à toutes d'être avec nous ce soir. Encore une news d'un flash laser, like action club. Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical. Avec un grand concours de danse, de nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des shots Malboro, des autocollants pionniers, des cassons JB, des peluches. À la technique, c'est Michel, de light jockey, c'est Momo. On monte sur les tables, on lève les bras bien haut. Allez, c'est parti! Je danse le mire. Bon, oui, d'accord. C'était une toute autre époque. Mais après quelques coups de fil, Jean-Claude, toujours aussi fanfaron, expose à Jérémy ses progrès dans l'organisation de la fête. Je reviens vers toi avec du positif. J'ai eu, tiens-toi bien, l'attaché de presse de mademoiselle Shakira. Elle viendra, je te le confirme. De plus, j'attends une réponse positive de monsieur Puff Daddy. Et, cerise sur le gâteau, nous aurons Julien de la Starac. Merci. Tu veux mon avis ? Si je réussis cette fête, je peux revenir dans la course, hein ? Oui, enfin, revenir dans la course, c'était sans compter sur la soudaine intervention de Monique, qui est prête à tout pour boycotter les JO, même à utiliser un extincteur en récitant des mantras. C'est incroyable, mais à peine Monique a-t-elle proféré ces menaces que les membres du CIO, qui n'avaient pas réagi à la fête organisée en leur honneur par Jean-Claude, envoient là immédiatement un agent très spécial, leur meilleur stratège anti-boycott. Et c'est ainsi qu'hier matin, Grosboule-les-Bains a vu débarquer David Douillet. Ainsi donc, hier en fin de matinée, David Douillet est arrivé à Grosboule-les-Bains. Il a été immédiatement accueilli à la gare par Jean-Claude qui lui a déclaré « À Grosboule, vous êtes ici chez vous ». Ensuite, Jean-Claude a demandé à David s'il ne se sentait de taille à lutter contre le boycott des JO que veut organiser Monique. Mais David, il n'a pas peur. Je suis le plus génial, demain dans le journal, ce sera triomphal, on dira quel génie. C'est bon de faire ses bagages, de partir en voyage, il faut dire qu'à mon âge, on se croit tout permis. Oui, bon, d'accord, répond Jean-Claude. Mais que faut-il faire alors pour favoriser les JO de Pékin ? Jean-Claude explique à David Douillet son idée d'organiser une super fête où l'on servirait des nems et du riz cantonné, histoire de faire oublier un peu la dictature chinoise. David Douillet demeure sceptique. Jean-Claude, je crois qu'il faut tout reprendre à zéro. À zéro ? Oui. Je veux voir à nouveau Jean-Claude. Là, tu touches le fond de la piscine, mon gars. Alors maintenant, faut pousser des talons et remonter. Heureusement, t'as un maître nageur. Un maître nageur, oui. Bon, tu m'expliques, parce qu'on va pas passer la soirée ici tous les deux, c'est grotesque. Et moi, tu crois que ça me fait plaisir de dîner aux chandelles entre couilles, alors que j'ai un arrivage de créatures chez moi qui grattent à la porte ? Oh l'autre, eh ! Moi aussi, des fois, il y a des créatures qui grattent à ma porte, rétorque Jean-Claude, qui n'avoue pas que, le plus souvent, ce sont surtout des témoins de Jéhovah. Soudain, la conversation entre Jean-Claude et David Douillet est brusquement interrompue par l'arrivée de Monique, qui est totalement solidaire du peuple tibétain, exige de connaître les arguments de David Douillet pour justifier la participation des athlètes français aux JO de Pékin. David Douillet lui explique alors, sans rire, qu'il lutte en faveur des droits de l'homme avec son joli badge pour un monde meilleur. Et puis, David Douillet dévoile à Monique en exclusivité que pour faire reculer la dictature en Chine, en plus de son badge là, il a écrit un véritable hymne de combat pour soutenir la démocratie. Oui, je veux être un bisou, aux jambes pleines dans le cou à nounours, aux doux comme de la mousse à bisounours, aimé comme tous les bisounours. Oh oui, je veux être un bisounours, c'est tout. C'est tout ? Je veux être un bisounours. Monique se dit que décidément, certains athlètes feraient mieux de se taire, car c'est faire preuve de bien peu de tact que d'évoquer des sportifs pris en otage en pleine crise Bettencourt. Entre Monique et David Douillet, le débat s'engage, mais il est subitement interrompu par un coup de téléphone que reçoit le judoka. C'est Bernadette Chirac qui ne supporte pas de voir son David si loin de Paris. Parce que t'es grand, t'as une belle gueule, et que ton rire m'accroche le cœur, parce que je suis venue vers toi toute seule, sans que tu me cherches, tu fais le crâneur. Et sur le boulevard, quand tu te balades, tu marches comme un bel animal, tu regardes les femmes, ça me rend malade, et tu le sais bien, ça me fait du mal. Quand il entend les jérémiades de Bernadette Chirac, David Douillet et son badge abandonne Fissa Grosboule-les-Bains. Jean-Claude est tout déboussolé et Monique se moque de lui. Sans ton David, là, tu fais moins de frimeur. Mais Jean-Claude, énervé, explique à Monique ce qu'est réellement la frime. T'as qu'à la voir, la frime, à ton lit, le matin, quand tu te prends pour qui, quand tu te trouves bien. T'as qu'à la voir, la frime, au milieu de la rue, lorsque tu te regardes, au fond d'une vitrine. Seulement voilà, comme Jean-Claude ne veut pas envenimer la situation, il décide de mettre de côté tous ses tracas liés au JO. Ce soir, Jean-Claude veut épater Monique, qui l'invite au resto car il veut lui en mettre plein la vue. Attends, laisse, je vais commander pour toi un grec, frites, avec plein de frites, salade, tomate, oignon, sans oignon, ketchup, mayo, sauce blanche. Pour moi ce sera un spécial Ankara, saumon fumé, gruyère et tarama, un doigt de Nutella et un max de harissa. Allez, prends ton petit plateau, installe-toi. Les coups sur la table, c'est parti pour un tour. T'essayes de manger sans t'en foutre tout autour. Et t'as vu chérie, j'ai pris des bières ce soir au kebab, c'est tellement pépère. Ouais ma grosse. Bon, on y va? Hein? Tu crois que je peux espérer un pompino? T'as vu? Monique est très fière de son frimeur de Jean-Claude avec qui elle déguste un succulent kebab. Voilà, fin de l'histoire. Monique et Jean-Claude n'ont pas trouvé de terrain d'entente pour les JO. L'aspect positif de cette aventure, c'est que maintenant, Monique soutient la fête que veut organiser Jean-Claude simplement parce que... Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi, par toi. Où je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir où je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour à mon cœur pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Qu'au seuil des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser.